la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi, je l'ai pris ici, entre l'ignorance et la vie. La peur.